Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors Anaïs, les célébrations de la chute du mur n'ont pas encore commencé, mais l'agenda médiatique les devance, à commencer justement par la chaîne franco-allemande Arte, quelle belle chaîne, qui parmi bien d'autres propose un documentaire sur l'histoire du mur. Il s'intitule « De briques et de sang, les secrets du mur de Berlin ». Tout un programme. Et c'est une véritable biographie du mur que nous propose le documentaire de Christoph Weinert et Jürgen Ast, de son béton et des martyrs de la guerre froide qui y ont trouvé la mort pendant près de 28 ans. Caméra 12 sur moniteur 2. 401 au secteur C, individu non identifié à l'approche de la frontière. Le documentaire s'ouvre sur une scène curieuse située dans une salle de surveillance tapissée d'écrans pour nous projeter dans un futur non advenu. Les hommes en présence s'apprêtent à neutraliser une fugitive qui tente de franchir une frontière high-tech. Le mur dont avait rêvé Erich Honecker, l'homme fort de l'Allemagne de l'Est, avant de le voir s'effondrer impuissant en 1989. Le mur de Berlin est érigé en 1961 après le passage à l'Est de près de 200 000 Allemands en quelques mois. L'Union soviétique est menacée de perdre la compétition idéologique engagée avec l'Occident, faute d'hommes à gouverner. Le rideau de fer incarné se doit de faire rempart au fascisme et surtout de procurer un regain de souveraineté. Mais ce sont également les hommes, les convaincus de l'expérience socialiste appliquée au réel, qui font la chair de ce film. Soldats, gardes frontières, expropriés du parcours de la frontière de béton, directrice de l'orphelinat qui accueillait les enfants dont les parents avaient été arrêtés alors qu'ils tentaient de passer à l'ouest. Tous disent leur conviction première de son utilité et racontent l'évanouissement de cet idéal. C'est bien pour cela, pour déshumaniser la surveillance du mur, que l'on imagine sa modernisation en plusieurs étapes, pour que l'élimination spectaculaire des fuyards ne pèse plus sur la conscience des gardes frontières et sur l'image publique du régime. L'amalgame de matériaux disparates dressés à la va-vite en 1961 est remplacé par un édifice homogène en 1966 et conforté au début des années 70 par un grillage équipé de dispositifs de tir automatique et de mines, qui ne manquera pas d'indigner les partisans du respect des droits de l'homme. Protéger la ligne de démarcation devient une obsession, mais le spectacle des corps échoués dans la zone de sécurité reste un cauchemar pour ceux qui en restent les premiers spectateurs. Le mur 75, c'est son nom de code, est censé mieux s'intégrer au paysage berlinois. Pour augmenter son rayonnement esthétique, côté ouest, le béton est peint en blanc, histoire de mettre fin à la grisaille. Côté est, la peinture blanche a une autre fonction. La silhouette des fugitifs se détache beaucoup mieux sur fond clair. Un ultime projet de réforme du mur est élaboré par la RDA à partir de 1983. Une frontière parfaite, un mur invisible, dissimulé par une haie de verdure pour le masquer et l'injection à distance de drogues anesthésiantes pour neutraliser les fuyards. Pas de mur, pas de béton, c'est une haie de verdure donc qui symbolise maintenant la séparation. Ce mur 2000, tout à fait glaçant, n'a jamais vu le jour. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup Anaïs Kien. On retrouve tous les liens et les informations complémentaires sur la page du journal de l'Histoire. C'est sur franceculture.fr.